on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va ah si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Apprends-moi la main, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprends nos traits, ne vont pas. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM et aussi RIGFM.fr. Oui, Thierry fait une mission très périlleuse là, c'est pour ça que ça me fait marrer. Là non plus, il n'a pas fait exprès. Comment allez-vous toutes et tous? Ben moi, écoutez, ça va plutôt bien et je suis très heureux de vous retrouver pour cette 428e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG. Aujourd'hui, on va parler d'un album de la semaine qui est Les Bras en Trois Croix, qui est sorti le 25 avril 1963. Et on va retrouver au cours de cette soirée, évidemment, John Hayden en live, les versions originelles de John Hayden. Et je rappelle également que est sorti récemment, tout récemment, sur YouTube, une mini-série Johnny Covers où on explique un peu d'où vient telle version que Johnny a repris. Et on peut écouter aussi en même temps plusieurs autres versions. Oh, et je sais pas qui c'est qui anime ça. Ah, il me semble que c'est Johnny de A à Z qui présente les Johnny Covers. Et c'est présenté par un certain Eric ici. Mais oui, c'est moi. Mais oui, c'est moi. Eh bien, on va faire un petit rappel au cours de cette soirée. On va écouter une version qu'il n'y a pas sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Allez sur YouTube, tapez Johnny de A à Z et vous allez trouver Johnny Covers, le premier épisode. Et on va retrouver quoi donc, Johnny Day et la pub, bien entendu, avec Up to Demi Hill. Oh, pas de pub à l'antenne, s'il vous plaît. Sinon, faut faire payer, mon petit 2000. Et on aura Johnny Day au cinéma avec les bandes originales de films. Et aussi, une petite nouveauté, c'est que cette émission Johnny de A à Z est retransmise aussi tous les lundis de 21h à 23h sur une radio web qui s'appelle 100% Johnny. Pendant ce créneau horaire, sera rediffusé quelques émissions de Johnny de A à Z. Et vous étiez apparemment lundi soir plus de 300 personnes à écouter cette émission. C'est un très très très bon début et on va continuer ainsi. Mais évidemment, le rendez-vous principal, c'est ici sur RIG, bien entendu. La radio de Johnny Hayden le mercredi soir, bien entendu. Et si on allait parler tout de suite de l'album de la semaine qui est Les Bras en Croix et qui est sorti donc le 24 avril 1963. On va faire un petit retour en arrière. Hein. On va passer en 1960 où la rue de tournée d'été française achevée, Johnny se produit pour une série de galas à l'ancienne Belgique, à Bruxelles, en octobre 1962, avant de connaître sa véritable épreuve du feu, un second passage à l'Olympia à Paris durant 6 semaines. Ils seront à Londres au début de l'année 1963 pour compléter les chansons qui lui permettront de réaliser son 4e 30 cm, uniquement composé de titres inédits. En mars, il change la section de rythmique et de son orchestre, les Golden Stars, en engageant le batteur anglais Bobby Clark et le bassiste Tex McKinz. Et pour cet album, Johnny a choisi de frapper très fort avec un titre original dû à sa plume, Les Bras en Croix, qui se veut un véritable western. Les riffs claquent comme des coups de feu. Johnny a une voix implacable, rehaussée par les chœurs des Jordanaires. Cette réalisation aura un impact fabuleux sur les auditeurs assidus de l'émission radio Salut les copains. Et la chanson Les Bras en Croix, c'est une collaboration de Johnny Hayden et Gilles Jean, et on dit que c'était le sommet de cette collaboration, et je crois que c'est la dernière chanson qu'ils ont faite ensemble. Mais commençons tout de suite par Les Bras en Croix, évidemment la chanson éponyme à l'album. Johnny Hayden sur RIG, c'est tout de suite et nulle part ailleurs. Dans la vallée de l'Oklahoma, un coup de fusil fait mouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans

Hallyday en 1984. Rien à personne. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous étions le 15 juin 2000. Johnny fêtait son anniversaire. Mais ouais. En 2000, il avait quel âge? Il avait soit 57 ans, c'est ça, 57 ans. Et au Parc des Sceaux, avait rempli avec plein d'amis et puis aussi plein de duos, mais aussi des chansons en solo, bien entendu, il en faut. Voici tout de suite le pénitencier, Johnny au Parc des Sceaux. Les portes du pénitencier. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Sa robe de mariée, peux-tu jamais me pardonner? Moi je t'ai trop fait pleurer. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Vie, essayez Mickey Jones, Tommy Brown et Mr. Philippe Labro. On revient à l'album de la semaine qui est Les Bras en Croix, qui est sorti le 25 avril 1963. C'est un album qui contient 12 titres, dont 4 inédits. Mais quels sont les 4 titres inédits? Eh bien, c'est la chanson Chance, il y avait aussi Taxez-en, Quand ce jour viendra, et j'ai loupé mon effet, je devais dire Taxez-en à la fin. Et il y a aussi Parce que j'ai revu Linda. Et c'est un de ces titres que je vous proposais, car le premier 45 tours jour, 4 titres qui étaient sortis, c'était avec Tes tendres années, Elle est terrible, Poupée brisée, Mashed Potatoes Time, qu'on retrouve sur l'album Les bras en croix. Et il y aura un second 45 tours qui sortira le 10 mai 1963, soit pratiquement une quinzaine de jours après l'album Les bras en croix, avec Les bras en croix, Quitte-moi doucement, Quand un air vous possède et Dis-moi oui. On va retrouver 8 titres de cet album-là sur ces 12-là, mais évidemment on va retrouver un titre inédit de, à l'époque, les albums, c'était des regroupements de tous les super 45 tours. Mais là, 4 dates inédites, eh ben, c'était la fête. C'était la fête, et voici un, taxez-en sur l'antenne de l'Érigé. Tes lèvres au parfum de fleurs, douce à croquer, ont la forme d'un cœur. Taxez-en, t'es jolie, et rien qu'à moi. Oui, t'as des cheveux lumineux, pleins de rubans, aussi bleus que tes yeux. Taxez-en, t'es jolie, et rien qu'à moi. Éveillée, c'est curieux, je crois rêver quand tu es là. Oui, devant moi, t'es mon fétiche, mon rêve vivant, mon doux printemps. Ta peau a pris à l'été, tu ouvres ton soleil pour mieux m'enflammer. Avec ses ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Avec ses ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Avec ses ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Nous avons eu le coup de foudre, et quand ta main doucement frôle ma main, oui, je m'enflamme comme de la poudre. Que c'est merveilleux d'être amoureux de mon rêve aux mille couleurs. Tu es sorti pour entrer dans mon cœur. Avec ses ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Oui, on pourrait plus en faire des chansons comme celle-là. Non, on peut plus le dire. C'est fini. Que dire, pénitenciers, bientôt vont se fermer. Laura, il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Merci beaucoup. Accouple vite, Charlie, il te gagnera. Ne te retourne pas. Accouple vite, Charlie, il te gagnera. La vie sera pour toi. Mais celle-là, t'avais le regard. Et le chanteur de l'orchestre s'appelle Johnny Hallyday. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Ah, je n'ai jamais voulu croire à se plaire à son amour. Le rock'n'roll, il est là pour rester. Crazy over you. Sleep at night, C'est un des titres bonus de l'album Rough Town. En l'an 2000, il y a une sortie, trois titres de plus sur l'album. Il y avait Crazy Over You, Blue Moon Rising, hein, je ne me trompe pas, et puis One Moment in Your Life. Extrait de l'album, donc Rough Town en 1994. Nous arrivons aux versions originales adaptées pour Johnny Hallyday, et là je vais vous présenter une chanson de chantée par Brenda Lee, Break It To Me Gently, autrement dit Quitte-moi doucement. Ouais, c'est un slow imparable enregistré dans le même studio de Nashville avec les mêmes musiciens que l'original de Brenda Lee, à qui Johnny devait déjà Ce serait bien. La sobriété de l'accompagnement, très aristocratique, n'est possible qu'avec un chanteur de classe comme Johnny Lee, donc pas de problème. Non, danser. Break it to me gently. Let me down the easy way. Make me feel that you still love me. If it's just Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Oh, oh, break it, break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. Johnny reprendra cette chanson sous le titre « Quitte-moi doucement » qui figure sur l'album de la semaine « Les bras en croix ». On la retrouvera cette chanson en cours de l'émission. Johnny et les années 60. J'ai trop de peine depuis que je suis loin de toi. Jour et nuit, n'importe où, je m'ennuie. Je ne sais plus quoi faire de moi. Le temps qui passe est vraiment perdu sans toi. J'ai trop de peine. Tu m'écris ton amour, tu dis que tu n'oublies pas. Mais tout ça n'est pas pareil pour moi. J'ai trop de peine à de penser que je ne peux pas t'embrasser quand je veux te serrer, te garder longtemps dans mes bras. Ce temps qui passe est vraiment trop long pour moi. J'aime bien ces titres-là des années 60. Ouais, ouais, moi aussi j'aime ça. Suivant, s'il vous plaît, suivant. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. C'est court et c'est bon. Allez, on retourne Johnny en 1979. Pavillon de Paris, porte de Pantin. Mais bien entendu, je ne vous dirai pas la suite. Si, je vous le dis quand même, c'est un de mes concerts préférés. Ouais, voilà. On retrouve un titre de l'album Solitude à deux. Voici Cet homme que voilà. Cet homme que voilà, c'est Johnny, ici sur RIG, la radio de Johnny. Tu vas t'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, m'a fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu, et perdu de remords, pour n'avoir jamais su résister à ton corps qui ne le verra plus. Cet homme que voilà, je vais laisser la place. Je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme. Je vois ton avenir. temps te réclame, que tu vas faire souffrir tes jolis yeux sans âme, me dégoûte à vomir. Va détruire le bonheur, fais ton travail sur terre, va faire couler des fleurs, va déclencher des guerres. Ton joli corps sans cœur, va le vendre aux enchères. N'attends pas trop longtemps, les rides n'attendent pas. Ce soir je voudrais tant que ton dernier contrat, que ton dernier client soit l'honneur. Quelle version de 1979 du titre « Cet homme que voilà ». Revenons à l'album de la semaine qui est « Les bras en croix » sorti en avril 1963 et Johnny Hallyday a interprété sa première incursion dans le répertoire country music. Oui, c'est avec le titre « Tes tendres années ». Et la chanson aura son heure de gloire en radio avant de disparaître dans l'oubli. Elle ressuscitera en 1973, oui, puis en 76 et après, plus rien. On la retrouvera en 1994 quand Johnny, enfin du moins, c'est même pas Johnny qui interprétera, ce sera Sylvie Vartan. Voici « Tes tendres années ». Extrait d'album de la semaine, les bras en croix. Et ce titre était sorti, était le premier 45 tours, super 45 tours de cet album. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu? La lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai années 2010. On a l'impression que tu as vraiment besoin de la chanson de ton métier pour vivre. Bah, tu sais, si je n'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai ? Ce métier m'aide beaucoup plus à vivre qu'on peut le penser, moralement surtout. Ce foutu bris de clé me donne envie de tuer. J'ai des souvenirs de ciel, pas de moins en moins réels. J'ai des rêves de grand voile, soleil et d'étoiles. 4 mètres carrés des poussières, c'est la dimension de l'enfer. Ouais. 4 mètres carrés des poussières, c'est la mesure de ma misère. Des envies de ville et de fumée d'usine. J'ai des désirs d'alcool, des descentes en sous-sol, l'aventure de naufrage dans des pays sauvages. De filles fascinante et facile. 4 mètres carrés des poussières, c'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés des poussières, c'est la mesure de ma misère. Dimension de l'enfer. 4 mètres carrés des poussières. 4 mètres carrés des poussières. C'est la dimension de l'enfer. 4 mètres carrés des poussières. C'est la mesure de ma misère. Mes carrés, extrait de l'album Mon Pays c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday qui est sorti en 2018. À présent, nous allons retrouver la rubrique d'Antoine Decaune, l'Odyssée Johnny Hallyday, avec un titre qui figure sur l'album de la semaine. Je vais pas vous le dire, non, on va l'entendre assez. Ouais. L'Odyssée Johnny Hallyday. Dans les salles où se produit Johnny, on a parfois lu ce slogan sur une banderole brandie par des supporters acharnés. Johnny est notre dieu, le rock, notre religion. Et moi, Antoine Decaune, je vous le dis, ce n'est pas une déclaration à prendre à la légère. Car s'il y a deux secteurs que Johnny a toujours abordé avec le plus grand sérieux, c'est bien ses concerts et le rock. Si tu m'avais dit ce soir je vais chez John, j'aurais pas donné 23 coups de téléphone. Si tu m'avais dit qu'aller danser chez lui, je ne serais pas devenu cinglé. J'aurais pas crevé les pneus de tes amis, et j'aurais pas sorti tous les coulants de leur lit. Si tu m'avais dit je vais chez John, si tu voulais pas, oui, que je te soupçonne, allez me dire voilà je vais chez John. En allant chez Johnny tu fais mal à personne, mais moi un bon sang je ne vais pas. Je fais des dégâts, un drôle de fracas. Et j'ai jamais été l'électrique du quartier. Ah si t'avais dit je vais chez John, ouais, ça, c'était Johnny au Palais des Sports en 1961, vedette d'un festival de rock and roll. L'année suivante, il est en tête d'affiche à l'Olympia. C'est une autre forme de consécration. Un disque grave l'événement sur les tablettes de l'histoire avec un grand H. Un grand H comme l'idée. On y entend entre autres ceci. J'ai du soleil plein la tête et tout me semble beau. Je vais crier à tous les échos. Oh, oh, oh, c'est une fille comme toi qu'il me faut à moi. Ah oui, les copains, c'est certain, n'en reviendront pas. Ah, tu me dis que tu m'aimes, la vie est sans problème. Cette déclaration d'amour simple et directe, la captation du spectacle donné dans la mythique salle du 28 boulevard des Capucines recèle un véritable chef-d'œuvre. Regarde un peu cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi, et il doit faire pour rouler avec ça. Et la chance que je pense au prix de l'essence, je perds stupidement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser, cette voiture en jeu est terrible. Que je travaille. Quand je pourrai me la payer content, j'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée sans trop nous presser. À nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer diront mais tu sais. Y'a pas de dire gars là. Il est terrible. C'est dans Elle est terrible que Johnny étreint son fameux à queue. En effet, il chante Attends un peu, à queue je travaille, donnant à la phrase une pêche qu'elle n'aurait pas sans cette béquille bien inspirée. Elle est terrible. C'est vraiment une trouvaille magnifique, même si à terme, le fameux à queue va faire le bonheur des moqueurs. Pour la musique, pour ce riff assassin, Johnny s'est tourné vers un génie du rock américain, Eddie Cochran, créateur de Something Else. Les adaptateurs français ont gardé l'idée du texte original. C'est l'histoire d'un adolescent qui rêve devant une belle décapotable et une jolie fille en pensant que la possession de l'une favorisera celle de l'autre. La voiture est terrible, la fille est terrible. Et même s'il ne gagne ni l'une ni l'autre, le garçon fantasme imaginant qu'on puisse dire de lui « Ce gars-là, mon vieux, bah, il est terrible ». Tout cela mené en moins de 2 minutes. Voici l'une des plus belles fulgurances de Johnny. Elle est terrible. Et regarde un peu celle qui vient. C'est la plus bête de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle a guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant, pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire pour rouler avec ça. Et la chose que je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille. Quand je pourrai me la payer content, j'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée sans trop nous presser. À nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains ne voyant passer diront mais tu sais. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille Citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison de celle que j'aime, les poches à plat. Ouais, pourtant si elle m'embrasse rien qu'une fois, je dirais certainement en parlant de moi, y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Mon cœur est une ville abandonnée. yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Laisse-moi, tu ne peux pas m'aider. Un désert ne donne rien. J'ai des pierres et du chagrin. Extrait de l'album Insolitude sorti en 1973. Donc, Solitude est une adaptation du titre Whiskey Lady et a été adapté par Michel Mallory. Et je peux vous annoncer que dans 15 jours, nous aurons une émission spéciale album Insolitude. Il n'y a pas d'anniversaire ou quoi que ce soit. Non, c'est une envie, une simple envie d'écouter cet album-là. Et j'aurai en invité Jean-François Chenu, car pour lui, c'est son album préféré. Voilà. Donc, on aura 2 heures de Johnny Hallyday avec l'album aussi Insolitude. Jean-François Chenu, connu. Et également, peut-être nous aurons des news de Universal, hein, car il devrait les voir aujourd'hui, fin de cette semaine. On aura des news pour cette fin d'année sur la discographie de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que je vais dire? Ben oui, quoi qu'il en soit, vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. On l'écoute aussi en podcast, iTunes, Deezer, et puis aussi Dropbox également. Et on peut écouter certaines émissions, des rediffusions d'émissions sur la radio web 100% Johnny. À présent, je vais vous présenter un titre que vous avez peut-être entendu cette semaine. Car une mini-série est apparue sur YouTube qui s'appelle Johnny Covers, je vous la présente. Et donc, ce sera en vidéo. Je vous présente les différentes versions d'une chanson que Johnny a repris également. Mais Johnny n'est souvent pas le seul à reprendre de très bonnes chansons. C'est le cas de la chanson qui a été présentée dimanche dernier. C'était la chanson Loving Arms, écrite et composée par Tom Jones. Et je vous ai proposé plusieurs versions, mais je vous ai pas présenté une des dernières versions qui a été faite par Johnny Mathis. Johnny Mathis, qui est un chanteur afro-américain, hein, et qui a fait la gloire des années 70 avec plein de reprises également, avec une très très très belle voix. Et cette chanson est tirée de l'album Let It Be Me, Mathis in Nashville en 2010, et il reprend la chanson Loving Arms quand Elvis Presley, Kris Kristofferson ont repris, entre autres, et Olivia Newton-John aussi. Ça, c'est pour Thierry, voilà. Une jolie version de Johnny Mathis. If you could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking in comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. J'aime bien cette version de Johnny Mathis. Johnny Mathis que j'écoutais beaucoup quand j'étais petit. Oui, mes parents avaient un double 33 tours et donc j'écoutais plein de chansons comme Ave Maria, Venus, plein de choses encore. Ah, ici, on revient à l'album de la semaine qui est sorti en 1963, le 25 avril exactement. On va écouter le prochain titre qui sera Parce que j'ai revu Linda, qui a été écrit entre autres par Dickie Lee, qui débuta avec la chanson Dream Boy, produit par Dewey Phillips en 1957. Et peu après, il passe chez Sun et chante Good Love Loving. et engagé par Smash, comme Jerry Lee Lewis, dirigé par Jack Clement, il cartonne en août 1962 avec Patches, numéro 6, Billboard américain, puis I Saw Linda Yesterday en décembre de la même année, numéro 14. Il est par ailleurs l'auteur de la chanson She Thinks I'm Still Care, un standard qu'interprètent George Jones, Connie Francis, Little Willie John, Elvis Presley, Anne Murray et plein d'autres encore. Ça fera peut-être le cas d'une prochaine émission. Et la chanteuse allemande Rita Bartok, établie en France, ainsi que Malika, proposait un pendant féminin au disque de Johnny et de Harold Nicolas, qui enregistra le même morceau. Non, parce que j'ai revu François, et c'est la version de Johnny qu'on va écouter, parce que j'ai revu Linda sur RIG, l'émission Johnny de A à Z. Hier, mes amis, tout allait bien. C'en était fait de tous mes chagrins. Mais aujourd'hui, je le sens, rien ne va. Parce que j'ai revu Linda. Mon cœur fait bing, bang, comme un carousel, bing et bang. Et elle était si belle, bing, bang. Wow, wow, wow. Je l'avais presque oublié. Pourquoi faut-il que je l'ai rencontré? Car maintenant je suis fait comme un rat. Parce que j'ai revu Linda. Oh, ça y est, quand elle a souri, elle a bouleversé ma vie. C'est fou, l'amour me brûle et mon cœur me bouscule. Hey, hey, dum di da di da di. Hey, hey, dum di da di da di. Hey, hey, dum di da di da di. Dum di da di da di. Je me sens un peu perdu. Les copains se demandent pourquoi. Parce que j'ai revu Linda. Mon cœur fait bing, bang. Un rythme pénal, bing et bang. Et ça me fait mal, bing, bang. Oh, oh, oh. A dum di da di da di, hey, hey, a dum di da di da di, dum di di dum di di dum dum dum. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Une version que je ne connaissais pas de cette chanson-là. C'était Johnny Hallyday qui était à Saint-Tropez en 1988 et qui interprète la musique que j'aime avec le big band de Claude Bowling. Et donc, je vous la fais découvrir, si vous ne la connaissez pas, ici, dans l'émission Johnny de A à Z, bien entendu, tous les mercredis soirs, de 22h jusqu'à minuit. Oh, zut alors, j'y suis. Tu fais comme tu le sens. Tu fais le solo? Bien. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, mais j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime, que j'ai mal entrevé. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Oh, oui. visage, j'ai mes peines. Et tout ça, ça devient le bleu. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, ma noire lui donnait le bleu. Pour chanter les peines, je ne les laisse pas. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Que j'aime. Elle vient de là, Alan. Elle vient du bleu. Les mots, les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le bleu. Saint-Tropez en 1980. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue ? Eh bien, bien sûr ! Mais oui ! Eh bien, alors, juste après la pub. Oh. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Optique 2000, c'est pour tous deux paires pour seulement 159 euros. T'as vu, chère. Optique 2000. J'en ai assez d'entendre à la radio. Les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole. Tout comme au bon vieux temps du rock and roll. Pour une fois, je suis resté fidèle. Optique 2000. C'est pour tous une deuxième paire pour 1 euro de plus, même en progressif solaire. Deuxième partie bien entamée de l'émission Johnny de A à Z, et cette fois-ci avec Regarde pour moi de 1969, extrait de l'album Rivière au Rouveau dans l'Ie, la nouvelle édition, vous savez, celle qui est sortie au mois de mai 2020, juste après

un amour bizarre. Il veut jamais rentrer, tout ça est normal. Et la guitare fait mal. La femme qui vient le soir s'habille en noir. Elle sourit quand il de la semaine. Oui, à l'instant, c'était La guitare fait mal, la chanson de Claude Lemel ainsi que de Joe Dassin. Revenons à l'album de la semaine qui est sorti en 1963 et qui s'appelle Les bras en croix. Un album qui a été réalisé à Nashville et aussi à Londres avec Big Jim Sullivan et compagnie, bien entendu. Et le prochain titre que je vous propose d'écouter, c'est la chanson Quand ce jour viendra, une chanson de Buddy Holly qui fut son unique numéro 1 à Buddy Holly juste avant sa mort. Voici tout de suite la version de Johnny Hallyday, Quand ce jour viendra, sur l'album de la semaine. Ouais, quand ce jour viendra, que tu partiras, quand ce jour viendra, que tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais n'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai. Ouais, tu as tout abandonné lorsque tu t'es donné, tu m'as apporté ton amour, ton argent. Mais j'ai peur que tu te lasses, qu'un jour ton amour passe, que tu partes. Tu partiras, que quand ce jour viendra, que tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais je n'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai. Quand tu quitte, pour moi tout sera fini. Car quand ce jour viendra, quand tu partiras, ouais, quand ce jour viendra, que tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais je n'y croirai. Car quand ce jour viendra, j'en mourrai, ouais, quand ce jour viendra, quand ce jour viendra. Quand ce jour viendra, quand ce jour viendra. Rivière, retiens la nuit. Je ne vous parlerai pas d'une certaine fille que vous connaissez tous très bien. Non mais vous voyez un peu dans quel état vous me mettez tous les soirs. Je veux te voir changer. Je veux te voir bouger. Vous n'avez pas honte, non? De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oh! Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs. Le rock'n'roll, il est là pour rester. J'ai tout fait pour rester ce que je suis. Pourquoi voudriez-vous que je change aujourd'hui? Mon cœur est trop sec, vous me l'avez dit. J'ai toujours tenu l'amour en échec. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais rien demandé. Je sais, j'ai toujours vécu dans mon coin. Vous ne m'aimez pas, mais je vous aime encore moins. J'ai bien évité de vous ressembler. Ni l'amour ne m'a jamais fait trembler. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. Laissez-moi tranquille, je n'ai jamais rien demandé. Je ne suis pas le type qui vous tend la main. Et je n'ai pas l'habitude de me mettre à genoux. Je ne vais pas tomber parce qu'une petite fille me dit qu'elle m'aime à travers son chagrin. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais rien demandé. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. L'amour ne me fera pas pleurer. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais rien demandé. Tant mieux si je ne dois jamais aimer. Je n'ai rien demandé, extrait de l'album Johnny 67. Et vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. On retrouve cette émission en direct ici sur RIG, puis aussi en podcast, hein, évidemment. Et puis aussi, vous allez retrouver quelques émissions de l'émission Johnny de A à Z, mon émission évidemment, sur la radio web 100% Johnny. Prochain titre qu'on va écouter, ce sera une version originale d'une reprise de Johnny Hallyday. Et on va parler du répertoire de Cliff Richard. Son répertoire, comme celui d'Elvis, Gene Vincent, remplaçant Joe Eddy, Chubby Checker, etc., hein, a longtemps constitué une source de reprise pour les rockers français. Johnny ne fait pas exception avec, entre autres, ce « Dis-moi oui », voilà, la prochaine chanson. Autrement dit, la version de Cliff Richard, c'est « We say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah », qu'avait déjà repris, déjà également enregistré, Loki Blando, également sur Philips, et que reprendra Marie France, accompagnée par Bijou en 1980 sur RCA. La version originale fut créée pour le film The Young Ones, distribué aux USA sous le titre It's Wonderful to be Young. Oui, mise en scène par Sidney J. Furry en 1962 avec Cliff Richard and The Shadow dans les rôles principaux. Ouais, c'est Cliff Richard and The Shadow. We say yeah. Mommy says no, daddy says no, brother says no, but they all gotta go, cause we say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah. If we didn't go ahead, if we thought of all they said, might as well give up, man. We might as well be dead. Oh, we say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We're moving up front, baby, singing our song. Older ones that taught us, they're all dead and gone. But we say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We aim for the sky, I keep on shooting high. Forget about those problems, baby, don't just sit and sigh. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah, yeah, yeah. We say yeah. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous avons rendez-vous avec notre idole en 1982 au Palais des Sports de Paris avec le medley. Le fameux medley, vous savez, qui dure plus de 14 minutes. Oui, oui, oui. Vous voyez lequel, hein ? On retrouve les coups. Qu'est-ce qu'on retrouve jusqu'à minuit ? Qu'est-ce qu'on a encore ? Je sais plus. J'ai oublié. Quoi qu'il en soit, hein, vous êtes bien, vous êtes sur RIG et vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. De la vie, les coups, quand c'est aux amis. que on n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo. Et ce qui voudrait vous voir un jour chaos. Oh oui, les coups, quand il faut j'arrive. Oh oui, ça fait mal. Les coups, qui a fait jamais. Oh oui, ça fait mal. Un coup de bonheur qui vient au bon moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Tu les crochets en dur et plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se défend. Oh oui, les coups, quand il faut j'arrive. Tout le monde, tapez dans vos mains. Hey! Oui, tapez dans vos mains. J'aimerais maintenant vous entendre chanter avec moi. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Il suffit de chanter les coups. Hey! On va d'abord commencer par les filles. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez envie de chanter avec moi? Est-ce que vous allez chanter assez fort pour que je puisse vous entendre? Est-ce que vous êtes prêts? Oh! Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va essayer avec le saxophone. C'est-à-dire, nous. C'est-à-dire tous les garçons qu'il y a dans cette salle ce soir. Est-ce que vous croyez qu'on va nous entendre plus fort que les filles? Est-ce que vous êtes prêts? Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Et les secondes, faut Où c'est bien filé. Au Palais des Sports en 1982. Et là, Nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui de Nico De Filippi. Oui, tout à fait. Je ne connais pas son âge. Non, il n'ose pas le dire. Il est très, très, très timide. Mais nous souhaitons, toute l'équipe de RIG, nous souhaitons un très bel anniversaire. Tiens, si on revenait à l'album de la semaine qui est sorti le 25 avril 1963, c'est l'album Les Bras en Croix. Et pour le prochain titre, on l'a sans doute un peu oublié, mais le titre Quitte-moi doucement a été à l'époque l'autre grand moment du disque et l'une des chansons les plus demandées en surprise partie. Au moment du slow. Et Johnny hoquette ce moment de séparation désespérant pendant que les violons semblent vouloir calmer le jeu. Ce très grand titre est à rapprocher du It's Man's World, James Brown, qui reprend la même technique. Chanteur excédé, bande originale apaisante, toute la noirceur du texte étant soulignée par le hiatus. Et l'original est aussi puissant, servi par la voix phénoménale de Brenda Lee, la version de Brenda Lee que nous avons écoutée tout à l'heure. C'est la version de Johnny qu'on écoute à présent. Ouh, mais c'est tout bas, ben allez, on monte ça. Serré, serré. Slow time. Oh, dis-moi, oh, puisque tu pars, dis-le-moi, tout doucement. Fais-moi croire encore à l'amour entre nous, oui, juste pour un seul jour. Oh, dis-moi, oh, puisque tu pars, oh, laisse-moi. Je te croirai comme avant. Nous avions tout, oh, nous étions tout. Oh, le ciel, c'était nous vraiment. Oh, si tu reprends en moi l'amour. J'apprenne ce qu'est la peine, car après toi, mon cœur, le sais-tu, il n'aimera non jamais plus. Johnny et les années 70. Par ici. Je me suis réveillé un matin à côté d'elle, dans une maison en bois en dehors de la ville. Le feu était mort dans la cheminée. J'ai commencé à écrire cette chanson. Et il neige sur Nashville. Il neige. Très tôt, nous avons marché très loin. Sur ce qui devait être une ancienne voie ferrée. Dans le quartier. quartier où les noirs montrent le poing, où les chiens nombreux cherchent à manger. A changé dans son regard. Elle a noué autour de mon cou son foulard. Il était noir, la couleur de mon chapeau. Je sais déjà, je ne vais plus la revoir. Savoir si elle pense à moi, comme moi je pense encore à elle. Il neige sur la juive, il neige sur la juive. Oui, j'ai au fond du cœur un peu de neige de la juive. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. L'aventure, c'est l'aventure, l'aventure. C'est l'aventure, elle est là, qui vous attend à soi. Pas de pitié, il est trop tard, il faut gagner et oublier. Soleil de L'aventure, c'est l'aventure. Extrait du film éponyme. L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. J'ai qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, loubab, la bim, boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 90. Aussi. La vie me souriait, la mort aussi. Je roulais chaque jour plus vite que mon ange gardien ne vole. Lui et moi aujourd'hui, on est quitte, on connaît nos limites. Font la guerre, la paix aussi, mais les amants font l'amour et la guerre aussi. C'est toujours toi que tu cherches, oh, c'est toujours toi que tu trouves, toujours toi que tu quittes, et de chacun de nous ressuscite. Bientôt 2 heures d'émission, Johnny de A à Z. Allez, je vais vous proposer un peu de rab. Encore un petit quart d'heure de rab. Ça fait du bien, hein, non plus, hein. Ça fait du bien aussi. Si on revenait à l'album de la semaine, dernier extrait de l'album de la semaine, qui est Les Bras en Croix, sorti le 25 avril 1963. Et pour le dernier extrait que je vais vous proposer, ce sera le titre Quand un air vous possède. Et comme tous les adaptateurs, quand on leur donne un original à franciser, Jean Jabert l'écoute jusqu'à saturation afin d'en posséder toutes les subtilités mélodiques ou rythmiques que le nouveau texte se doit de respecter. Et c'est justement parce qu'il ne parvient plus à se débarrasser de la musique de When My Little Girl Is Smiling que lui vient l'idée d'en faire Quand un air vous possède. When My Little Girl Is Smiling vit les Drifters triompher aux USA en février 1962. Roddy Lewis est alors leur principal chanteur. Quelques semaines plus tard, l'anglais Craig Douglas surclassait son compatriote Jimmy Justice et ce dernier enregistre le morceau en français chez Vogue utilisant le même texte de Johnny, tout comme Sophie sur Decca, dont la version s'avère populaire. On écoute évidemment la version de Johnny, puisque c'est son émission. Hein, hein. Je ne peux oublier ce air qui m'enchaîne. Il n'a jamais de fin. Il vient marteler toujours ma peine. Je sais, je n'y peux rien. Oh, quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Sert à rien de pleurer. Ah, quand un air vous possède, il faut chanter avec lui. Ah, chanter à vos amours qui renaîtront un jour. Vous aimerez sa mélodie. Quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Quand un air vous poursuit, et le jour et la nuit, plus fort que lui, il faut chanter. Quand un air vous possède, quand un air vous possède. Johnny et les années 80. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Il s'éloigne doucement. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Dernier titre de la soirée. Je vous propose de retrouver Johnny Hallyday à Port Bacarès avec le fameux titre Voyage au pays des vivants, avec un petit solo de batterie de Tommy Brown en cours de chanson. Un titre qui va durer plus de 10 minutes. Oui, 10 minutes. Ici sur RIG. recommencerai. Je ne recommencerai. Je ne recommencerai. Et maintenant, maintenant, je veux vous entendre taper dans vos mains, tout le monde, oui. Émission Johnny de A à Z, ici sur RIG et nulle part ailleurs. Si, maintenant sur une autre radio, 100% Johnny, tous les lundis de 23h, de 21h à 23h. Bah ici, nous, on se retrouve tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et ici, c'est la version originale et en direct. Je remercie toutes et à tous d'avoir participé et écouté cette émission. Vous retrouverez l'émission, évidemment, celle-ci en podcast prochainement. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao!